Bonjour à toutes et à tous. Pour notre 9e épisode, nous sommes pour la première fois en train d'enregistrer physiquement ensemble, ce qui fait vraiment plaisir puisque nous ne nous étions pas encore vus depuis le début de cette aventure. C'est ça. Ce sera le seul épisode de cet été. Nous n'en sortirons pas en août parce que nous prenons des vacances et puis nous vous préparons de nouveaux projets pour la rentrée. Alors, au niveau des actualités, nous allons aborder la question de l'Iran et du JCPOA, les élections au Parlement européen et les accidents de sous-marins. Pour le grand dossier, nous accueillons Nicolas Klingelschmidt, qui va nous parler des tendances migratoires clandestines de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour la première actualité, on va se focaliser sur la situation de l'Iran. Macron et Rouhani s'étaient accordés jusqu'au 15 juillet, donc il y a quelques jours, pour trouver une solution vis-à-vis des États-Unis. Alors, pour rappel, en mai 2018, Donald Trump avait annoncé le retrait des États-Unis de l'accord iranien, non pas parce que les Iraniens ne respectaient pas l'accord, ce qui était assuré par l'AIEA, mais parce que l'accord était considéré comme mauvais et insuffisant par les États-Unis, concernant notamment la question de la capacité balistique de l'Iran. Les Européens ont depuis tenté de conserver cet accord et de le sauver, malgré l'introduction de nouvelles sanctions américaines qu'ils n'ont pas pu empêcher ou compenser. Et après plusieurs menaces et une année à respecter leur part de l'accord, l'Iran a fini par agir. Les Iraniens refusent de faire les petits gestes, et je mets ça entre guillemets, de bonne foi que les Européens leur demandent afin de ramener Washington à la table des négociations, et Washington ne bouge pas. Tout ça, c'est sans compter la destruction du drone américain le 20 juin dernier par l'Iran. Les Iraniens disaient qu'il était dans leur espace aérien sans autorisation, et les Américains disaient qu'il ne l'était pas, forcément. Alors, ce qui est important à noter dans la crise actuelle, c'est que certes, elle escalade assez rapidement, mais elle a mis du temps à venir. Comme Océane vous en a parlé, ça fait un moment que les États-Unis sont retirés de l'accord et que l'Iran joue le bon élève en respectant tout de même sa part de l'accord. C'est important à noter parce qu'en réalité, les États-Unis, avec leurs sanctions, sont ceux qui ont le plus de pouvoir et d'influence sur ce qui se passe en Iran. Depuis que les États-Unis se sont retirés de celui-ci, l'économie iranienne a beaucoup souffert, ayant vu son PIB baisser de 3,9% pour la première année. Il est estimé de baisser à nouveau de 6% cette année selon le FMI. Le pays a gardé le soutien de plusieurs autres pays, notamment les pays européens et la Chine, mais ça ne lui a pas suffi pour tenir, notamment puisque la Chine est un de ses grands importateurs de pétrole et que pendant un bon moment, le pays a été dans l'impossibilité de lui en envoyer, enfin à lui ou à d'autres d'ailleurs. Afin de pouvoir commercer avec l'Iran, malgré les sanctions des États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient créé une société appelée Instex pour Instrument in Support of Trade Exchanges en janvier de 2019. D'ailleurs, en février, la Turquie avait approuvé la structure et avait même proposé de créer une structure similaire avec l'Iran. Mais en fait, cette initiative ne faisait pas l'unanimité, elle ne le fait toujours pas, surtout parce qu'elle ne fait pas le poids face aux sanctions américaines. De plus, les Européens exigent de l'Iran qu'elle se mette en cohérence avec les règles GAFI sur le financement du terrorisme et sur le blanchiment d'argent afin de pouvoir mettre en place l'Instex, ce qui provoque de nombreux débats en Iran dû à la proximité du pouvoir iranien avec l'organisation terroriste, le Hezbollah. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés à la crise même et à cette escalade des tensions? En mai, l'Iran a mis en place un ultimatum aux pays européens, puisqu'il était fatigué de subir sans avoir de solution concrète, malgré les promesses des pays européens, notamment avec Instex dont vient de parler Océane. L'Iran leur a donc donné 60 jours pour contrecarrer les sanctions américaines, sans quoi ils ont menacé de ne plus respecter l'accord et produire plus d'uranium que prévu dans celui-ci. N'ayant pas vu de résultats tangibles, voilà ce qui s'est passé le premier week-end de juillet, les 60 jours étant arrivés à échéance. Les autorités iraniennes ont donc annoncé avoir dépassé la limite de production d'uranium prévue dans l'accord. Alors l'Iran a fait ça sans se désengager totalement de l'accord. Mais depuis que en fait, la menace est là, l'Europe et en particulier la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui sont les trois pays à l'origine du JCPOA, ne suivent plus vraiment Téhéran. Ils refusent de protéger l'Iran si elle ne revient pas au taux d'enrichissement maximum prévu par l'accord, mais aussi au stock d'uranium enrichi. Mais à l'heure à laquelle nous parlons, et malgré de nombreuses réunions, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à une décision, ni sur un soutien à l'Iran, ni sur des sanctions. Donc, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais la question de la politique étrangère européenne a encore de beaux jours devant elle pour évoluer. Oui, justement, malgré les efforts de l'UE avec cet instrument qui est un STEX, qui a réellement été mis opérationnel juste après l'annonce de l'Iran, l'Iran considère que l'instrument n'est pas assez puisque pour l'instant, il n'est utilisé qu'à des fins humanitaires. Bon, certes, c'est important, notamment pour la population iranienne, puisque ça va leur permettre un accès à des médicaments qui commencent à se faire rares petit à petit. Mais le problème pour l'Iran, c'est que ça ne leur aide pas économiquement de façon concrète. Et puis, une autre chose à tenir en compte, c'est le fait que toute cette question est en train de renforcer un certain anti-américanisme dans le pays, autant que pour ses alliés, ce qui peut attiser davantage d'extrémisme, notamment de la part du corps des gardiens de la révolution islamique, qui est une organisation paramilitaire dans le pays. Et ce corps a une position bien plus sévère par rapport aux États-Unis, et qui d'ailleurs, dès le début, a été contre l'accord. Et c'est aussi important de noter que l'escalade des tensions est aussi due à la position de l'Iran dans la région. Oui, dans la région, l'Iran est finalement relativement isolé. Je vous conseille pour cette partie, pour ceux qui ne connaissent pas exactement la carte et la position de l'Iran, de se mettre devant une carte. On pourra vous en mettre une en lien si vous voulez. Donc pour rappel, les États-Unis ont en fait plus d'alliances au Moyen-Orient qu'en Iran. L'Iran a toujours été une puissance hégémonique au Moyen-Orient, mais en fait depuis la révolution iranienne en 1979, l'Iran est relativement isolé. Si on regarde leurs premiers voisins, il y a l'Arabie Saoudite qui, malgré de nombreux problèmes avec les États-Unis, en fait, sont toujours de forts alliés, notamment sur le plan militaire et sécuritaire, avec les États-Unis certes, mais aussi les Européens. Je rappelle au passage que l'Arabie Saoudite est un des plus grands importateurs d'armes françaises. Ensuite, et j'aurais probablement dû commencer par ça, mais Israël est un des plus grands alliés des États-Unis dans la région. Et d'ailleurs, quand on parle de la profondeur stratégique d'Israël, on désigne toujours les États-Unis qui les soutiennent malgré quelques désaccords en termes de politique régionale. Depuis la dernière guerre du Golfe, l'Irak est un allié des États-Unis, mais il est surtout très très dépendant des États-Unis, notamment en termes militaires et politiques. Encore plus depuis la montée en puissance et la persistance de Daesh à l'intérieur de ses frontières et chez son voisin syrien. La Syrie, pour l'instant, c'est un pays sur lequel personne ne peut vraiment compter en termes de stabilité politique. Les Émirats arabes unis sont eux aussi liés économiquement aux États-Unis, tout comme l'Égypte. Les États-Unis ont des troupes en Syrie, en Irak et au Koweït. Et même si les relations entre l'Iran et la Turquie semblent se réchauffer, et que la relation entre la Turquie et les États-Unis sont compliquées, la Turquie fait toujours partie de l'OTAN et sont toujours des alliés des Américains. Donc en fait, par rapport à cette carte, vous regardez que faut voir que l'Iran est relativement cerné par les alliés des États-Unis, ce qui montre encore plus les limites de la volonté européenne pour contrer les sanctions américaines envers l'Iran. Alors justement, toutes ces différentes alliances et certains isolements de l'Iran étaient assez problématiques puisqu'il y a déjà des affrontements et des guerres par proxy, l'exemple le plus flagrant étant au Yémen, entre des puissances de cette région, donc notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite. Je ne vais pas rentrer dans les détails des affrontements religieux et des racines de ces conflits puisque je suis loin d'être une experte. Le Moyen-Orient n'est vraiment pas ma région d'expertise. Mais la réalité, c'est qu'il y a un vrai affrontement entre les nations chiites et les nations sunnites, et donc ces dernières souvent coïncident en tant qu'alliées des États-Unis, comme vient de l'expliquer Océane. Du côté de l'Iran, nous avons notamment le Liban avec le Hezbollah, comme Océane a déjà évoqué, et donc les Houthis au Yémen. Et en Irak, il y a quand même quelques amitiés, on va dire ça comme ça, et quelques forces en Syrie, mais comme Océane l'a dit, on peut pas compter dessus actuellement. Enfin, eux, ils peuvent pas compter dessus. Donc, ce sont des pouvoirs moins grands, mais qui restent non négligeables malgré tout. Donc, l'Iran, d'un côté, devient de plus en plus isolé, mais il est aussi faux de penser qu'il est totalement isolé dans la région. Complètement. Alors, maintenant, on va se décaler un peu géographiquement jusqu'au détroit de Hormuz. Et c'est notamment là qu'il y a eu une réelle escalade de tensions depuis les derniers mois, notamment dû au fait d'attaques sur des navires commerciaux et outre les attaques de drones. Les États-Unis sont empressés de pointer du doigt l'Iran comme coupable pour toutes les attaques à peu près, malgré le fait que ceci l'est toujours nié. D'ailleurs, récemment, les accusations états-uniennes sont corroborées par les accusations britanniques qui ont dénoncé les agissements de l'Iran en début du mois de juillet, qui seraient de bloquer les vaisseaux britanniques au détroit d'Hormuz. Donc, ce conflit entre Anglais et Iraniens au détroit d'Hormuz fait suite à l'arraisonnement d'un pétrolier iranien au large de Gibraltar par le Royaume-Uni. Il faut comprendre que les tensions autour de l'Iran ne sont pas que nucléaires, il ne faut pas penser qu'il n'y a que le JCPOA ou la question des missiles balistiques qui font débat. Ce sont aussi des tensions maritimes, pétrolières, géopolitiques, religieuses, culturelles, économiques et j'en passe. Pour rappel, presque un tiers du pétrole mondial passe par le détroit d'Hormuz. Donc des tensions sur ce détroit pourraient provoquer une énorme catastrophe énergétique et économique. Oui, d'ailleurs, l'Iran a menacé de fermer son accès, même si ça reste très improbable non seulement que ça ait lieu, mais aussi que l'Iran en soit capable, du moins pendant enfin, un temps significatif. Mais ça montre aussi leur position et jusqu'où ils sont prêts à aller. Et puis, je voudrais finir avec un dernier point aussi non négligeable dans la question, même si je ne vais pas vraiment l'approfondir par manque de temps. Mais c'est un point que je voudrais soulever pour laisser la question en food for thought. C'est la place de la Chine dans tout ça. La Chine reste assez discrète puisqu'elle n'a pas intérêt à ingérer dans les affaires politiques de la région. Mais elle y a de très grands intérêts économiques allant du pétrole à son initiative de nouvelles routes de la soie. Et donc la Chine est alliée avec plusieurs puissances régionales et n'a surtout pas d'intérêt à ce qu'il y ait un réel conflit qui se déclenche. Donc ce serait intéressant de suivre sa position aussi au fur et à mesure des événements. Notamment puisque la Chine est aussi un des signataires du JCPOA. Ce conflit n'a donc pas fini d'escalader, je pense. Je pense qu'il n'a toujours pas atteint son point culminant. Sa trajectoire pourrait faire croire que le débouché serait une guerre, notamment avec les États-Unis de Trump et Bolton qui sont assez volatiles. Mais la réalité, c'est qu'aucun des deux pays, ni d'autres pays dans la région d'ailleurs, veulent que ça en arrive à ce point puisque ce serait totalement destructeur. Donc, ça reste malgré tout assez peu probable que ça arrive. Moi, j'ai une vision un petit peu différente. Je suis d'accord sur le fait que la crise n'a pas atteint son point culminant. Je pense que, en fait, ça appartient à l'Iran et c'est l'Iran qui a les cartes en main pour savoir jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, notamment avec l'enrichissement de l'uranium. C'est là-dessus que se cristallisent toutes les tensions. Pour la guerre, je ne dirais pas que ce soit peu probable. Par contre, il est peu probable que les États-Unis s'y lancent seuls. Les guerres menées par les États-Unis ces dernières décennies ont quasiment systématiquement eu lieu au sein de coalitions. Quand bien même la France a décidé de ne pas les suivre pour notamment la guerre d'Irak. Mais donc, si une guerre arrive... Les États-Unis n'y seront pas seuls, même si Trump et Bolton sont relativement motivés pour y aller. C'est une crise qui mobilise beaucoup de puissances, des puissances mondiales, des puissances régionales ou simplement des petits pays, à de nombreux niveaux, donc pas seulement nucléaire, mais il y a aussi la question religieuse qui est très très importante, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce que ce n'est pas le point culminant de la crise, mais il faut bien comprendre que c'est un des points les plus chauds au Moyen-Orient aujourd'hui. L'affrontement entre sunnites et chiites. Et donc, je pense que personne aujourd'hui ne peut dire comment se terminera cette affaire. C'est une affaire à suivre. Vous nous entendrez probablement en parler de nouveau dans les mois qui suivent. On va maintenant passer à notre prochain sujet qui se recentrera sur l'Europe et les élections européennes. Alors, pour mon info du mois, j'ai décidé de me tourner vers l'Union européenne et de faire un petit retour sur les élections européennes, de ce que ça signifie pour le nouveau Parlement européen, Puisqu'en général, on entend parler du Parlement européen quasiment que pendant la période électorale et que, évidemment, personne n'est au courant de ce que c'est. Qui c'est, pourquoi c'est, à quoi ça sert. Enfin, je me suis dit que ce serait intéressant de bien commencer cette nouvelle législature en en parlant. Oui, effectivement, les instances européennes et pas que le Parlement, d'ailleurs, sont relativement floues pour la plupart des gens. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer quels ont été les résultats de ces élections? Alors, pour mettre le cadre en place, le Parlement européen a 751 députés qui sont répartis par pays proportionnellement selon les populations et la taille du pays. Cette année, le Parlement a cependant fini avec 749 députés, puisque certains députés peuvent être exclus. Vous avez sûrement dû voir passer le scandale par rapport à Marine Le Pen il y a quelque temps, et elle fait partie des députés qui ont été exclus. La France fait aussi partie des pays avec le plus grand nombre de députés, qui sont actuellement 74, mais qui vont passer à 79 après le Brexit. Et les députés anglais, en fait, ils seront répartis selon les pays, avec le plus grand nombre de populations. Bon, comme vous le savez, la question du Brexit est délicate, donc on ne sait pas encore trop quand est-ce que cela aura lieu. Mais en soi, on sait déjà qui sont les futurs députés qui risquent d'être élus. Puisque ça a déjà été réparti après les élections. Même s'ils ne sont pas élus officiellement, ils sont en attente de l'être, en fait. Pour la France, les grands gagnants des élections ont été le Rassemblement national, qui s'est inscrit dans le nouveau groupe européen Identity and Democracy, et la coalition LREM, qui s'est inscrit dans Renew Europe, qui est aussi un nouveau parti européen, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard, puisque ces deux partis sont des successeurs de partis déjà existants au Parlement. Et il y a combien de partis au Parlement européen? Alors, le Parlement européen avait 9 groupes politiques et actuellement il en a 8. La principale différence étant venant des partis d'extrême droite en fait. Si l'extrême droite n'était pas très forte, c'était surtout parce qu'elle était très divisée. Beaucoup de ses membres étaient divisés entre le FDD, Europe of Freedom and Direct Democracy Group, l'ENF, Europe of Nations and Freedom Group, et beaucoup étaient chez les non-inscrits. Donc rien que dans les deux premiers groupes, on pouvait compter 78 députés, ce qui est une part non négligeable de députés. Mais il semblerait que pour cette nouvelle législature, ils aient voulu se rallier, et Matteo Salvini a donc pris l'initiative de créer un nouveau groupe politique, l'IDE, Identity and Democracy, qui est principalement un successeur de l'ENF. Parmi ce parti, on peut trouver des élus donc, du Rassemblement national, mais aussi ceux de l'AFD allemande ou de la VB belge, si ça vous dit quelque chose, ainsi que des députés de 5 autres pays, tout en comptant bien évidemment la Ligue italienne. Ils ont actuellement 73 députés au Parlement européen, mais d'un autre côté, il est intéressant de noter que le nombre de non-inscrits a beaucoup augmenté, ils sont passés de 20 à 53. Et une des principales explications sont que les 29 membres élus au Royaume-Uni sous le parti appelé Brexit de Nigel Farage y sont inclus. Vous avez d'ailleurs peut-être vu passer des vidéos de ces membres qui sont retournés lors de l'hymne de l'Union européenne, qui était en train d'être joué pour ouvrir la nouvelle législature parlementaire. J'ai d'ailleurs mis l'hymne en fond actuellement, au cas où vous ne le connaissiez pas. C'est une chanson par Beethoven, que normalement tout le monde connaît, l'a au moins déjà écoutée. Et en faisant des recherches, j'ai appris que l'hymne actuel a été interprété par l'Orchestre d'harmonie des jeunes de l'Union européenne et enregistré en 1994 dans un théâtre très connu de Lisbonne. Il s'appelle comment, le théâtre? C'est le Théâtre de Trindad. Et tu y es déjà allée? Voilà. J'ai jamais eu l'occasion d'y voir quelque chose, mais c'est au centre de Lisbonne, on passe souvent devant, et il est très très beau. Voilà. Alors, pour en revenir aux non-inscrits, une grande part de ceci est aussi composée par le mouvement 5 étoiles italien, qui a eu 14 députés. Donc finalement, la législature précédente, ce qui était positif dans l'histoire, c'était que l'extrême droite était très divisée. Maintenant, c'est moins le cas. Mais lorsque nous prenons malgré tout en compte le fait qu'il y a bien plus de députés d'extrême droite qui sont élus cette législature, ils sont peut-être plus, mais ils continuent à être un peu divisés malgré tout. Et puis, il faut aussi pas oublier que beaucoup de députés de l'extrême droite finissent par ne pas du tout être présents lors de leur mandat, même si les règles sont devenues plus strictes. Ce sont pas les seuls, hein. Y a des députés de tous les groupes politiques qui sont qui sont pas toujours présents, mais c'est à prendre, c'est tout de même à prendre en compte pour tout ce qui est législature, vote, etc. D'ailleurs, j'aimerais aussi refaire une petite parenthèse par rapport au parti Brexit anglais que je considère important. C'est qu'ils sont les grands gagnants des élections au Royaume-Uni, avec autour de 30% des votes. Donc maintenant, Nigel Farage considère que c'est la preuve que toute la population anglaise veut un Brexit et que le Brexit doit aller de l'avant, coûte que coûte, no deal inclus. Mais à ne pas oublier que c'était le seul parti, il me semble, qui était pour le Brexit, signifiant ainsi que les 70% sont anti-Brexit, juste ils sont divisés pour plein d'autres raisons. Oui, mais c'est comme ça qu'on peut aussi discuter le fait qu'il y a beaucoup d'anti-Brexiteurs qui ont demandé un nouveau référendum. Les résultats de cette élection montrent bien qu'en fait, un nouveau référendum, ça reviendrait peut-être exactement au même résultat si les anti-Brexit sont toujours aussi divisés. Et pour revenir à la question du Parlement européen, en dehors de l'extrême droite, les partis politiques, comment est-ce que ça s'est reconfiguré, tout ça ? Alors, je veux tout d'abord attirer l'attention sur le parti ECR, European Conservatives and Reformists, qui n'est pas un parti d'extrême droite, mais qui regroupe en lui malgré tout certains politiques nationaux qui ont des tendances plus extrêmes ou qui le sont carrément. Je vais pas m'attarder dessus, mais par exemple pour cette législature, on peut y trouver le PIS, Droit et Justice polonais, qui se situe de plus en plus à droite dans l'échiquier politique, le parti espagnol Vox ou encore le SD suédois. Bon, pour le reste, je vais essayer de ne pas être trop long parce que ça va devenir lourd à force, mais je voudrais juste revenir sur les principales différences qu'il y a eu entre la dernière législature et l'actuelle au niveau des partis politiques restants. Les deux plus grandes différences qu'on peut noter concernent le parti des Verts, qui sont passés de 52 à 74 députés. C'est une énorme différence pour un parti écologique. Et dans nombreux pays européens, ils ont fait un meilleur score qu'auparavant, notamment en Allemagne, mais en France aussi. L'autre concerne Renew Europe, qui était anciennement l'ALDE. Ils sont passés de 69 députés à 108. C'est une grande différence. La France... il y a également pour quelque chose avec LREM, ainsi que les Anglais avec les libéraux-démocrates qui ont fait un très bon score aussi. Les deux groupes politiques qui composaient une énorme majorité du Parlement, c'est-à-dire le PPE, Parti Populaire Européen, et le SED, les sociaux-démocrates, avaient respectivement 216 et 186 députés élus. Ils restent les deux partis les plus forts, mais perdent leur majorité, en étant descendus à 182 et 154 députés chacun. Oui, ça fait quand même une baisse qui est relativement importante. Oui. D'ailleurs, quand tu dis que les libéraux anglais ont fait un bon score, est-ce que le fait, après le Brexit, que les sièges soient redistribués un petit peu partout dans l'Europe, ça va faire un nouvel équilibre dans ce Parlement, en termes de partis politiques ou pas ? Je dirais que non. Je pense que je connais pas pays par pays... quelles sont les places restantes et à quel groupe politique ils seront attribués. Mais je dirais que ça va juste renforcer les tendances actuelles, notamment tenant en compte que 30% c'était des votes, c'est parti vers le parti Brexit, donc vers les non-inscrits. Donc en fait, ceux-là ne seront pas, sûrement pas dans les non-inscrits, mais ça va juste renforcer les tendances qu'on a déjà, puisque ce sera surtout les partis gagnants de chaque pays, que chacun des partis gagnera un ou deux députés dans leur chose. Donc comme c'est proportionnel, les tendances, normalement, elles vont rester telles qu'elles sont, je pense. Et du coup, aujourd'hui, le Parlement européen est un petit peu plus divisé qu'avant, c'est ça ? Un peu, oui. Et étant donné que les deux principaux partis ne sont pas aussi forts qu'avant, il est un peu plus divisé, ce qui n'est pas obligatoirement négatif d'un point de vue démocratique, mais qui peut l'être pour faire avancer les législatures, par contre, parce que sinon, enfin, chaque parti peut toujours bloquer l'autre. Et c'est la raison pour laquelle les quatre groupes avec le plus de députés ont commencé les négociations pour se mettre d'accord sur cinq domaines différents qu'ils considèrent prioritaires, à savoir le changement climatique, les politiques économiques et fiscales, la digitalisation, l'état de droit, les frontières et la migration, et enfin les affaires étrangères. À savoir également que vis-à-vis des partis politiques, qu'ils soient nationaux ou européens, rien n'est figé. Pendant les 5 ans de mandat, les choses peuvent encore bouger, peuvent encore changer. Le Parlement européen a également voté pour son nouveau président, qui est l'Italien David Sassoli, membre du SED. Il remplace Antonio Tajani, également italien, mais qui appartenait au PPE. Il y a aussi de nombreuses autres choses qui se passent dans l'Union européenne, notamment avec la nomination d'autres postes très importants, mais je reviendrai dessus une autre fois, quand tout sera figé et quand on saura exactement quelle sera la composition de la Commission européenne. On le saura vers septembre, octobre. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pas mal entendu, la nomination des grands postes, notamment avec la nomination de deux femmes, dont Christine Lagarde, dont on a pas mal parlé en France. Mais effectivement, on y reviendra sur une prochaine actu. Oui, surtout que ça continue à ne pas être figé. Et actuellement, au moment où on enregistre ça, il y a Ursula von Leyen qui est en train d'essayer de convaincre les membres du Parlement européen d'accepter sa candidature en tant que président de la Commission, puisque tout a été fait d'une façon qui n'est pas faite habituellement. Mais on reviendra dessus à un autre moment. Alors, juste pour en finir et relier ça davantage à nos thèmes ici dans ce podcast, j'aimerais mettre en avant trois commissions, celle des affaires étrangères, celle de la sécurité et défense et la sous-commission des droits humains. Vous le savez peut-être, mais l'impact de la politique étrangère dans l'Union européenne reste à relativiser par rapport à d'autres thèmes, notamment économiques, dans lesquels l'UE a bien plus de pouvoir et d'influence. Mais c'est un thème qui est malgré tout de plus en plus présent et qui peut en effet avoir une influence. De son côté, le Parlement européen est aussi assez limité, n'ayant pas le pouvoir d'initiative législative. Mais pour moi, du moins, cela reste tout de même un thème intéressant à suivre. Et en plus, il est intéressant de noter que la sécurité et défense a maintenant sa propre commission à part entière, sachant que jusqu'à maintenant, c'était une simple sous-commission des affaires étrangères. Donc ça va prendre de l'importance. Oui, et puis même si aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas une très grande politique étrangère commune et cohérente, faut quand même voir, comme on vient d'en parler sur le dossier iranien, qu'il y a une volonté qui existe, même si elle est bancale et encore un peu embryonnaire. Merci beaucoup, Carolina. Et on va maintenant passer au prochain sujet, qui sont les accidents dans les sous-marins. Alors, vous n'êtes probablement pas passé à côté de cette information, mais le 1er juillet, il y a eu un accident à bord d'un sous-marin russe qui a provoqué 14 décès. Ce sous-marin est un sous-marin à propulsion nucléaire et il serait identifié comme le S-12 Locharok. Et donc, à l'intérieur, se serait déclenché un incendie dans le compartiment des batteries, sans toucher apparemment le réacteur nucléaire. Alors, pour rappel assez rapide, un sous-marin à propulsion nucléaire signifie que l'énergie qui le fait fonctionner n'est pas du fioul, mais une mini-centrale nucléaire embarquée. Cela permet de rester plus longtemps en plongée, car il n'y a pas besoin de remonter en cours de mission pour reprendre du carburant. Donc, ce sous-marin était un engin considéré comme relativement secret, qui pouvait aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur et qui aurait pour mission principale de poser des systèmes de communication dans les profondeurs ou de détruire les systèmes de communication ennemis. Dans ce cas, il faut notamment penser aux câbles sous-marins qui permettent les connexions Internet, par exemple. Alors vous voyez que je parle beaucoup au conditionnel ici, c'est parce que, de manière assez évidente, tous les détails de cet accident ne sont pas connus et tous les détails de ce sous-marin ne le sont pas non plus. Parce que l'affaire est classée secret défense par les autorités russes et la conception et les objectifs du sous-marin également. Alors je voulais profiter de cet accident malheureux pour revenir un petit peu sur l'histoire des accidents à bord du sous-marin, parce que malheureusement, c'est pas le premier. Par exemple, en 2008... le naufrage d'un autre sous-marin russe, le Nerpa, avait fait 20 morts. Alors, sans vous citer toute la liste des accidents de sous-marins, je vais revenir sur quelques-uns qui me semblent assez représentatifs. Et ensuite, on pourra discuter pourquoi les accidents arrivent et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, sur la relation internationale. Dans les années 60, il y a eu pas mal d'accidents de sous-marins et des accidents relativement meurtriers. En avril 1963, c'est un sous-marin américain, le Thresher, qui a coulé avec 129 personnes à bord. Et c'était le premier sous-marin nucléaire américain qui avait été perdu en mer. En mai 68, alors qu'en France se passaient des événements bien différents, un autre sous-marin américain a coulé avec à son bord 99 marins qui n'ont pas pu être sauvés. Le Scorpion, ce sous-marin, aurait probablement coulé dû à ses torpilles, à l'explosion d'une de ses torpilles embarquées. Toujours en 68, mais un petit peu plus tôt, en mars, c'est un sous-marin soviétique, le K-129, qui est armé de 3 missiles nucléaires, qui a disparu, avec à son bord 98 membres. Tous les membres sont morts et le sous-marin a été découvert en 1974 par les États-Unis, donc 6 ans plus tard, qui ont organisé son renflouage en secret afin d'apprendre un peu plus de la technologie soviétique. Toujours en 1968, et c'est une année qui est particulière pour les pertes en termes de sous-marins, un bâtiment israélien, le Dakar, a lui aussi connu un accident et a provoqué la mort de 69 hommes, ainsi que le Minerve, qui est un sous-marin français, qui a disparu avec 52 marins à son bord. On reste en France en 1994, donc un petit peu plus tard, quand 10 membres de l'équipage de l'Emeraude, c'est un sous-marin d'attaque français, c'est-à-dire qu'il ne porte pas d'armes nucléaires mais qu'il est à la propulsion nucléaire, qui provoque la mort de 10 membres de l'équipage suite à une explosion qui n'aurait pas eu lieu dans le côté nucléaire de l'engin. En 2000, c'est l'affaire la plus connue, sur laquelle je vais passer un petit peu plus de temps, c'est la tristement célèbre affaire du Kursk, qui a fait 118 victimes pour la Russie. Alors le Kursk, à l'époque, c'était le plus grand sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière au monde. Les États-Unis n'avaient pas un sous-marin aussi grand. Et à la suite d'une fuite, plusieurs torpilles auraient explosé à l'intérieur du sous-marin, ce qui a provoqué la mort quasi instantanée de quasiment tout l'équipage. Ce qui est déjà affreux en soi, mais ce pourquoi l'affaire du Kursk est tristement célèbre, c'est que l'explosion n'a pas tué tous les membres de l'équipage, mais que 23 sur 118 donc, ont survécu à l'explosion en se retranchant dans la poupe du sous-marin, mais que faute de moyens et d'acceptation de l'aide américaine, la Russie n'a pas réussi à sauver ses 23 membres de l'équipage avant qu'ils meurent tous d'asphyxie. C'est que 8 jours après l'accident que la communauté internationale a réussi à intervenir et que les plongeurs norvégiens, qui étaient les premiers sur place, ont constaté la mort de tout l'équipage. Cette histoire, elle a fait beaucoup de bruit parce que ces 23 hommes auraient peut-être pu être sauvés si la Russie avait accepté dès le début l'aide des États-Unis, ce qu'elle n'avait pas fait pour des raisons géopolitiques et pour préserver le secret de conception de son sous-marin. Mais on y reviendra. Ce qui avait fait aussi beaucoup de bruit, c'est que à ce moment-là, Vladimir Poutine, qui était président de la Russie, était en vacances et n'a pas interrompu ses vacances pour cet événement pourtant dramatique. Alors, il y a eu d'autres accidents depuis les années 2000 qui ne concernent pas que les Russes. En 2001, c'est le sous-marin américain Greenville qui a percuté le chalutier japonais Ehime Maru, j'espère que je le prononce bien, ce qui a causé 9 morts sur le chalutier, pas dans le sous-marin. En 2002, les États-Unis subissent une inondation à bord du sous-marin Dolphin, une inondation et un incendie au large de la Californie. Et cette fois-ci, aucun membre de l'équipage n'a été tué grâce à la proximité géographique du continent. En 2003, cette fois-ci, c'est la Chine qui perd son sous-marin, le Ming-361, avec 70 membres à son bord, à cause d'un dysfonctionnement des moteurs et une perte d'oxygène qui aurait asphyxié tout l'équipage. En 2004, ce sont les Canadiens qui subissent un incendie à bord du NCSM Chicoutimi suite à la mauvaise isolation de câbles électriques. Apparemment, il n'y aurait eu qu'une seule mort. En 2009, un peu plus récemment, il y a 2 sous-marins britanniques et français qui se sont percutés en plein océan Atlantique. Le Triomphant, côté français, et le HMS Vanguard, du côté britannique. Aucun mort n'est à déplorer dans cet accident. Alors, on pourrait se demander, on pourrait trouver que 2 sous-marins qui se percutent, ça peut paraître complètement fou, Mais en fait, ça veut dire que la furtivité des sous-marins était telle qu'aucun des deux n'a repéré l'autre. Ce qui montre une sorte d'équilibre des savoir-faire entre les deux pays sur ce point en particulier. Alors, je vous passe la liste de tous les accidents, parce qu'il y en a beaucoup, avec pas mal d'accidents quand même pour l'Union soviétique / Russie et les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces accidents ? Alors déjà, une bonne partie d'entre eux sont relativement meurtriers. La nature de l'accident et la localisation du sous-marin jouent beaucoup sur la capacité à sauver ou non son équipage. Il y a eu quand même des centaines de morts à bord de sous-marins. Ensuite, il y a toujours une part de mystère qui entoure les accidents. Les sous-marins n'ont pas de boîte noire, ils sont très furtifs, ils sont très secrets, ils représentent des enjeux de défense énormes. Donc déjà, les États ne divulguent pas les informations pour des questions de secret défense. Mais en plus de ça, les États ne savent pas toujours avec précision ce qui a causé les accidents. Les sous-marins sont des constructions tellement complexes que ça peut être compliqué de savoir comment s'est déclenché un incendie ou une explosion avec précision. Ensuite, autre point, les accidents sont souvent déclenchés par une avarie du matériel quelconque ou une mauvaise construction. C'est quelque chose qui est assez récurrent, ce qui explique aussi pourquoi les sous-marins passent tous beaucoup de temps à être en fait au sol, à quai, pour être réparés, pour être remis à niveau entre deux missions, pour éviter justement les avaries de matériel. Ensuite, et au vu de l'intérêt géopolitique des sous-marins, la communauté internationale a les yeux rivés sur les accidents de sous-marins et beaucoup plus que sur les accidents de bateaux qui arrivent assez régulièrement et qui font eux aussi beaucoup de morts. Les pays qui participent au sauvetage ou à la détection d'anciens sous-marins coulés sont en capacité de rassembler beaucoup d'informations capitales sur la défense et l'avancée technologique des pays qui pilotent les sous-marins, mais aussi de ceux qui les conçoivent, parce que ceux qui les conçoivent ne sont pas toujours ceux qui les pilotent. Il y a une liste très très longue de tous les accidents de sous-marins, vous pouvez en trouver un peu partout sur Internet. Mais il est certain que, malheureusement, cette liste ne s'arrêtera pas là. La nature même du sous-marin et de ses missions font que la vie de sous-marinier est dangereuse, en plus d'être difficile due à l'isolation de plusieurs mois à bord des sous-marins. C'est la troisième fois, il me semble, que je vous parle de sous-marins pendant notre podcast. Et à ce propos, ça me fait penser que pour ceux qui s'intéressent aux problématiques nucléaires, il existe un réseau qui s'appelle le Réseau Nucléaire et Stratégie Nouvelle Génération qui chaque année ouvre une trentaine de places pour des francophones, donc pas forcément que des Français, qui s'intéressent à la question nucléaire et qui permettent de visiter, de faire des visites assez incroyables, dont la visite d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, généralement. Vous pourrez trouver, je vous mettrai en lien, ou je vous le tweeterai, le lien pour pouvoir s'inscrire et postuler. Je conseille à tous les jeunes qui nous écoutent, notamment ceux qui sont dans leurs années de master, de s'intéresser à cette question si le nucléaire ou les questions des sous-marins vous plaisent. Donc ce mois-ci, nous accueillons Nicolas Kingelschmidt, qui est diplômé du Master 2 de Relations internationales et Gestion de programmes internationaux à Lyon 3, donc la même université que Carolina et moi, simplement un autre master, qui est consultant pour l'Institut Afrique-Monde et qui va commencer en septembre un doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Nicolas, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour Océane et bonjour Carolina. Effectivement, comme tu l'as dit, moi je suis consultant depuis 2 ans maintenant pour l'Institut Afrique-Monde. Alors en quelques mots, l'Institut Afrique-Monde, c'est un think tank qui a été créé en 2013, qui est basé à Paris, et qui travaille principalement sur les questions de gouvernance, de géopolitique en Afrique de l'Ouest. On s'est spécialisé dans le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel dans le cadre de la prévention de conflits, principalement sur le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, un petit peu sur l'Afrique du Nord aussi, on travaille sur la Libye, sur le Maroc et sur l'Égypte. Et dans le cadre de mes activités à l'Institut, j'ai pu intervenir au début du mois au colloque international de l'Ayoun, qui a été co-organisé d'ailleurs par Mohamed Badine El Yatioui, que vous avez, je crois, eu le mois dernier comme intervenant. Exactement. Donc je le salue au passage, ce cher professeur Badine El Yatioui. Justement, il m'a demandé d'intervenir sur les questions migratoires clandestines au départ de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Parce que le thème du congrès au sein duquel je suis intervenu et au sein duquel on s'est retrouvé avec, avec Mohamed avait pour thème Migraciones entre dos orellas. Pardonnez-moi mon accent espagnol, ça veut dire en gros entre deux rives, hein, c'est bien ça. Donc j'ai pu à cette occasion creuser un petit peu plus les questions des migrations clandestines. J'ai choisi mon sujet. Pourquoi est-ce que j'ai choisi en particulier ce sujet ? Parce que l'Institut Afrique Monde a aussi des bureaux qui sont basés à Abidjan. Et mes collègues d'Abidjan ont pu travailler en 2017 et en 2018 avec la Direction Générale des Ivoiriens de l'Extérieur et avec l'Office International, pardon, l'Organisation Internationale pour les Migrants Côte d'Ivoire, donc l'agence de l'ONU pour les migrants basée en Côte d'Ivoire, et l'agence de l'OIM qui est basée en Libye, à Tripoli, dans le cadre du programme qui a été mis en place par le gouvernement ivoirien de retour volontaire des migrants. Donc les membres de l'Institut Afrique Monde sur place étaient présents au retour volontaire de ces migrants, à la descente de l'avion, et a pu participer aux sondages, aux enquêtes qui ont été faites auprès de ces migrants pour connaître leur profil, connaître leur motivation de départ, les difficultés rencontrées pendant le séjour et les motifs de retour. Donc en ayant ces chiffres-là et en m'intéressant un petit peu aux derniers rapports qui ont été publiés par l'OIM Côte d'Ivoire, par les différentes agences mandatées par l'Union européenne pour travailler sur ces questions, j'ai essayé de creuser un petit peu en partant d'un constat qui est assez important. En 2018, 10 000 Ivoiriens sont arrivés clandestinement sur les côtes italiennes, ce qui est un chiffre assez important. Si on regarde un petit peu le profil des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne à destination de l'Europe, la majorité d'entre eux sont des Nigérians, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Guinéens. Il faut savoir que d'ici à 2050, on aura un doublement de la population sur le continent africain. Ce qui veut dire que des problématiques, ou en tout cas des thématiques comme celle des questions migratoires, vont être sur le devant de la scène. Il faut savoir aussi, évidemment tout le monde sait que les migrations sont au cœur de l'actualité, on entend très régulièrement parler de naufrages dramatiques de bateaux de migrants en Méditerranée, on voit que c'est aussi au cœur de la politique européenne, avec les divergences de politique à l'échelle des États et même au sein de l'Union européenne. Donc j'ai voulu m'intéresser à ces questions. Alors, premier constat, pour mettre en perspective un petit peu cette espèce d'image qu'on a dans les médias d'une ruée migratoire de l'Afrique vers l'Europe, 75% des migrations qui sont au départ de l'Afrique de l'Ouest pour destination d'autres États d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, il y a des fortes vagues migratoires qui partent du Burkina Faso et qui vont vers la Côte d'Ivoire, qui sont des migrations économiques. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, donc je m'intéresse à chaque fois plus précisément au cas de la Côte d'Ivoire, puisque bah, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai pu travailler spécifiquement sur ce pays. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a à peu près 2,2 millions d'étrangers, de migrants étrangers, qui sont installés sur le sol ivoirien en 2015, pour un total de 23 millions d'habitants. À l'inverse, la diaspora ivoirienne dans le monde, elle représente 1 200 000 personnes. Donc déjà, ça permet de mettre un petit peu en perspective ces chiffres où on nous dit « Ah oui, mais on est envahi, etc. » Donc c'est un pays d'immigration plus que d'émigration, la Côte d'Ivoire. Tout à fait, voilà. Donc, moi je me suis dit que ce constat-là, en fait, il permettait quand même de mettre un petit peu les choses en perspective vis-à-vis de cette espèce de raz-de-marée migratoire qu'on nous vend un petit peu, qu'on nous survend dans les médias et dans certaines catégories de la classe politique. Alors la première question que je me suis posée, c'est pourquoi partir ? Quelles sont les motivations de ces migrants ? Ce qu'on peut se dire en premier lieu, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est... la situation sécuritaire, c'est-à-dire que ça va être une migration d'urgence, ça va être des réfugiés politiques, des réfugiés humanitaires, des gens qui quittent un pays en conflit, un pays instable. Si on regarde la région de l'Afrique de l'Ouest, bon, la Côte d'Ivoire, depuis la dernière crise politique de 2011, le pays est plutôt stable, on a un retour de la croissance économique qui est assez important, le Nigeria, c'est un des pays à l'économie la plus solide du continent. Le Bénin n'est pas un pays en guerre, le Ghana et la Guinée non plus. Donc cet argument-là, il n'est pas tout à fait vrai. Alors vous pouvez me citer les cas du Mali, ou effectivement du nord du Nigeria, où agit le groupe Boko Haram, en me disant « oui, mais des gens peuvent très bien partir de cette région-là pour essayer d'aller en Europe clandestinement ». Il y a un sondage qui a été fait à l'échelle de l'État fédéral nigérian, et qui portait sur l'ensemble des régions. Dans chaque région du pays, ils ont demandé à la population, à un panel de la population, ils leur ont posé la question en 2016, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous quitteriez la région dans laquelle vous résidez pour partir en dehors du pays si vous aviez des bonnes perspectives professionnelles et économiques dans ces zones-là? Eh bien, dans le nord-est et dans le nord-ouest du pays, donc là où agit principalement Boko Haram depuis les débuts de la secte ou du groupe terroriste, appelez ça comme vous voulez, mais dans la zone la plus instable du Nigeria, ben finalement on n'a que 27 et 28% de la population, donc dans ces deux régions, qui ont répondu favorablement à ce sondage. Et plus on va descendre géographiquement dans le pays, on va arriver dans des zones qui sont plus densément peuplées, dans le centre, vers Abuja, dans le sud, le long de la côte, à Lagos, plus ce pourcentage va augmenter. On est à peu près à 50 à 60% de la population qui veut partir dans le centre, et pour la région de Lagos, 84% de la population qui serait d'accord pour s'expatrier, légalement ou non, s'il y avait de meilleures perspectives. Et du coup, ça s'explique par quoi, en fait ? Et ben, en fait, on se rend compte que c'est absolument pas... Enfin, en tout cas, c'est très secondaire, ce volet sécuritaire. Finalement, ce qui motive principalement les migrants, c'est les perspectives économiques, et dans ce cas précis, c'est même la pression démographique. La population d'Afrique de l'Ouest, elle est globalement assez jeune. On a un taux de chômage qui est assez élevé pour ces classes d'âge dans ces pays-là. On a un manque d'opportunités professionnelles. À côté de ça, on a des villes, enfin, on a des grandes zones urbanisées comme Lagos, Abidjan, ou Accra, au Ghana. Et ces gens-là vont aller chercher en fait de meilleures perspectives ailleurs. Ils sont jeunes, ils vont mettre un peu d'argent de côté et ils vont ensuite s'expatrier. Alors, s'ils le peuvent légalement, ils vont aller poursuivre leurs études en France, ils vont aller essayer de chercher du travail en Europe ou même en Amérique du Nord s'ils le peuvent. Mais surtout, ils veulent quitter un pays dans lequel ils se projettent pas à l'avenir en fait. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'Afrique aujourd'hui, même si c'est pas le continent le plus peuplé du monde. C'est un des continents sur lequel il y a la plus forte démographie. Et d'ici à 2050, j'ai vu des chiffres qui disaient qu'il y aurait plus de jeunesse en Afrique que sur les autres continents, en fait, et notamment en Asie. Parce que l'Asie est une population vieillissante, et c'est pour ça que la Chine a mis fin à sa politique de l'enfant unique, ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. Et donc, c'est là-bas que réside la jeunesse du monde, en fait. Donc, si c'est les principes économiques, est-ce que le réchauffement climatique est... les difficultés pour se nourrir qu'il peut y avoir dans des zones relativement désertiques jouent un rôle sur les départs ou... Alors justement, c'est une question qui est très intéressante, déjà parce que tu la poses, et en plus parce qu'elle a été abordée justement au congrès de la Youn, sur le panel sur lequel je suis intervenu, par un professeur de l'université de Rabat. Et justement, pour lui, alors moi c'est pas une question sur laquelle j'ai personnellement travaillé directement, mais pour lui, pour l'instant, il n'y a absolument pas de lien avéré entre le réchauffement climatique et les migrations. Il n'y a pas de réfugiés climatiques pour l'instant en Afrique de l'Ouest. Mais on voit qu'indirectement, ça pourrait en être la cause. Ça pourrait être une cause migratoire. Si on regarde, il y a eu on a entendu dans les médias récemment des massacres de villages Peuls et inversement de Peuls qui ont été attaquer des villages d'autres minorités. Et bon, c'est des conflits qui sont sociaux et qui sont aussi socio-économiques, dans le sens où ça va être des conflits entre groupes professionnels. Ça va être des éleveurs qui vont aller empiéter sur les terres de cultivateurs. Et effectivement, avec le réchauffement climatique, on se retrouve avec des zones de plus en plus arides, de plus en plus désertiques, donc des régions dans lesquelles on ne peut plus cultiver, et des régions dans lesquelles bah, les populations vont se déplacer effectivement vers des zones urbaines. Mais a priori, pour en revenir à ta question de base, pour l'instant, il n'y a pas de réfugiés climatiques en provenance de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Même si effectivement, alors compte tenu de la montée des eaux, qui va a priori toucher certains quartiers, à Abidjan, à Lagos, etc., et effectivement cette désertification de la bande sahélo-saharienne, ça pourrait arriver, tout à fait. Alors, le deuxième point sur lequel j'ai travaillé un petit peu, c'est le tracé justement des routes migratoires depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Typiquement, un migrant ivoirien clandestin, quel va être son chemin pour essayer d'atteindre les côtes sud de l'Europe et ensuite la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, ou d'autres États européens. Mais principalement, a priori, la destination, c'est plutôt la France pour en tout cas les États africains francophones. Et ben, typiquement, le départ va se faire de villes qui sont au centre de la Côte d'Ivoire, et qui vont partir par la route vers le Niger, qui est un point de passage quasi obligé sur les routes migratoires clandestines, sur ce qu'on appelle la route méditerranéenne centrale, la RMC. Ensuite, ces migrants, ils vont partir vers la Libye. Là, il y a deux points qui sont intéressants. D'une part, au Niger, il y a des questions économiques. Il y a un véritable marché économique qui s'est développé justement avec l'immigration clandestine. Et dans un second temps, la Libye, là, c'est plus des questions sécuritaires, humanitaires qui vont être développées. Alors, pour le cas du Niger, ces migrants, ils vont passer par la route. Ils vont avoir besoin de passeurs, de gens qui vont les faire transiter d'un point A à un point B, qui vont leur faire atteindre soit la frontière avec la Libye, soit qui vont leur faire atteindre les côtes libyennes et ensuite leur affréter un bateau pour les emmener au moins jusqu'aux côtes européennes ou en tout cas jusqu'à la Méditerranée en elle-même. Alors, ça a développé un véritable marché. Faut savoir qu'un migrant, s'il veut justement, pour financer son voyage, il a besoin... Alors, les chiffres varient d'une part en fonction des services proposés par les migrants, du trajet qui est parcouru, qui est envisagé, et aussi des études qui ont été faites justement sur ces financements des voyages. A priori, c'est entre 2000 et 6000 euros qu'il faut compter pour un voyage clandestin, pour un migrant seul, depuis la Côte d'Ivoire ou un autre État vers l'Europe. Sachant que si on parle du salaire médian, des Ivoiriens, on est à combien? Parce que 2000 et 6000 euros, on se rend pas forcément compte de combien ça fait. Ça représente un petit peu moins d'un an de salaire à peu près. Enfin, en fonction des catégories socio-professionnelles, mais c'est une somme qui est très importante. Donc ça veut dire que migrer illégalement, c'est une vraie prise de risque à la fois sécuritaire pour ceux qui migrent, mais aussi une prise de risque économique. Tout à fait. Et dans ce cas-là, c'est juste individuellement, donc pour les familles, la situation est encore différente. Oui, tout à fait. Mais les familles, d'ailleurs, elles-mêmes, souvent, vont soit participer directement, justement, au financement de ce voyage, parce qu'en fait, ça va être vu parfois comme un investissement, parce que justement, puisque le motif, il est principalement économique pour un migrant, son but, quand il va être arrivé en Europe, et d'ailleurs, il y a beaucoup de migrants légaux qui font ça, une fois qu'ils sont arrivés en Europe, qu'ils ont un travail, une situation fixe, ils vont envoyer de l'argent via Western Union, via des organismes de ce type-là, pour financer leur famille qui est restée au pays, pour aider leur cellule familiale qui est restée au pays. Et finalement, les familles, elles vont jouer d'ailleurs un rôle majeur dans l'immigration. Alors ce rôle, il peut être double. Justement, soit ils vont pousser un jeune migrant à aller s'installer en Europe pour rapporter un petit peu d'argent à sa famille qui va être restée au pays, à ses proches, ou même tout simplement pour que lui, il ait un meilleur avenir. Mais ça peut être un rôle inverse, ça peut être un migrant, enfin, n'importe quel individu en fait, un Ivoirien ou un Ghanéen ou quoi, il va vouloir s'extirper du carcan familial, échapper un petit peu aux traditions, au poids de sa famille, en allant s'exiler, entre guillemets, n'importe où ailleurs, et très souvent en Europe, parce qu'il y a des bonnes perspectives là-bas, et en plus, ça lui permet d'échapper un petit peu à sa famille. Et en fonction des profils, tu disais qu'il y avait beaucoup d'immigration africaine à l'intérieur de l'Afrique. Est-ce que les profils de ceux qui vont vers l'Europe sont différents de ceux qui migrent à l'intérieur de l'Afrique? Est-ce qu'ils sont plus diplômés? Alors, la fuite des cerveaux, peut-être à là ouais. Que tu voulais en venir, effectivement, bon, c'est un phénomène qu'on constate, pas forcément dans le cadre de la migration clandestine, parce que justement, y a des programmes universitaires, professionnels, qui sont de la captation, en fait, de cerveaux, de personnes diplômées, qui sont mises en place qui existent depuis longtemps, qui sont mises en place par la France, la Grande-Bretagne, des États d'Europe de l'Est aussi, sans oublier les États-Unis et le Canada outre-Atlantique. Dans le cas... Fuiter toi-même. Voilà, tout à fait, qui sont l'objet de mon départ également, même si je viens pas directement d'Afrique, de l'Ouest, mais effectivement, c'est un petit peu le même phénomène. Oui, il y a différents profils. Justement, puisqu'on en vient aux perspectives professionnelles et aux profils professionnels de ces migrants, dans le cadre des migrations clandestines, c'est très souvent des gens, pour la moitié, et ça c'est une étude qui a été faite justement par l'OIM Côte d'Ivoire, plus de la moitié des migrants clandestins au départ de Côte d'Ivoire ont un diplôme ou un niveau d'enseignement au moins du cycle secondaire. Donc c'est des gens qui effectivement sont quand même relativement diplômés. Et c'est des gens qui vont, d'ailleurs parfois même, c'est un phénomène intéressant, je reviens à justement ces perspectives, les activités migratoires économiques au Niger, beaucoup de migrants travaillent pendant leur voyage migratoire, justement parce que arrivent à un moment où ils n'ont plus de finances, où ces 2000 à 6000 euros se sont évaporés, à la fois bah, pour les différents besoins qui sont eu pendant leur voyage, pour les personnes qu'ils ont dû payer. Parfois, ils se sont fait rançonner. Ça peut arriver ça arrive même très fréquemment, parce que c'est des routes qui ne sont pas sûres du tout. Et il y a beaucoup de bandes organisées, de criminalité organisée qui se fait, quand ce n'est pas ces groupes criminels qui eux-mêmes organisent les déplacements de migrants, qui ont le rôle de passeurs, souvent eux-mêmes vont aller rançonner ces migrants. Et donc, ces migrants vont travailler pendant leur voyage, vont travailler dans le domaine du BTP pour les hommes principalement, donc la construction. Pour les femmes, ça va être surtout de la restauration et du service. Et dans 10% des cas, les personnes qui travaillent pendant leur séjour, ces migrants clandestins qui travaillent pendant leur voyage, vont devoir le faire de manière contrainte et sans rémunération. En d'autres termes, c'est de l'esclavagisme, en fait, tout simplement. Et ils le font pour les passeurs ou est-ce qu'ils le font ailleurs? Parce que si tu dis de manière contrainte et sans rémunération... Bah là, dans le cadre de, justement, quand c'est de l'esclavagisme, ça va être pour des groupes qui vont les retenir en otage, qui vont... on a vu, là j'avance un petit peu sur mes routes migratoires, je vais jusqu'à la Libye. Justement, en Libye, on a entendu énormément d'histoires sordides, de faits sordides qui ont eu lieu, notamment pour des migrants, à l'encontre de migrants ivoiriens et de migrants nigériens, où il y a eu des ventes d'esclaves, des gens qui ont été vendus comme esclaves, des hommes et des femmes qui ont été vendus au XXIe siècle comme esclaves sur des marchés clandestins en Libye. Et justement, ces 10% là dont je parle, c'est des gens qui sont réduits en esclavage. Ouais, c'est un type d'esclavage qu'on ne croyait plus exister en fait de nos jours. J'avais une question par rapport aux perspectives justement, mais aux perspectives en Europe. Est-ce que ce sont de vraies perspectives ou est-ce que c'est un peu devenu comme un mythe, comme ça l'a été pour le rêve américain aussi, qui est devenu un mythe, ça a été réel à un moment et c'est resté un mythe ensuite. Est-ce que pour l'Europe, il y a de vraies perspectives ou... C'est une question qui n'est pas évidente. Oui, je dirais que c'est un petit peu... on peut faire un parallèle avec le rêve américain, justement tous ces Français qui partent outre-Atlantique pour des perspectives universitaires ou professionnelles, comme c'est mon cas par exemple. Après, il y a plus de perspectives d'emploi, mieux rémunérées en tout cas, en Europe que dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, statistiquement. Maintenant... C'est un mythe qui est très entretenu, parce que le phénomène migratoire d'Afrique vers l'Europe, s'il est en augmentation depuis quelques années, il a toujours eu lieu. Enfin, en tout cas, depuis 50 ans, depuis 60 ans, il y a des migrations sud-nord qui sont avérées, principalement d'États d'anciennes colonies françaises, enfin de gens qui viennent d'anciennes colonies françaises et qui vont se rendre dans la métropole, dans l'Hexagone. Maintenant... ce phénomène migratoire, il a évolué, peut-être justement parce qu'il y a toujours ce mythe omniprésent, tout simplement, il est véhiculé par les médias. D'ailleurs, je vais prendre l'exemple tout simplement de beaucoup de jeunes qui rêvent d'aller jouer pour un grand club de foot européen. Ça, c'est un phénomène qui est encore véritable aujourd'hui, et c'est entretenu parce que justement, il y a quand même... beaucoup de gens en provenance d'Afrique de l'Ouest qui réussissent leur vie, qui réussissent économiquement en Europe. Donc oui, ce mythe, il est entretenu. Et ce mythe, il est aussi entretenu par les migrants qui sont arrivés en Europe et qui parfois, même dans des situations extrêmes de pauvreté, arrivés en Europe, mentent à leur famille, à leurs amis dans leur pays d'origine pour ne pas les inquiéter. Et donc, le mythe, il peut être entretenu à la fois, effectivement, par les médias, mais aussi par les migrants eux-mêmes, que ce soit la réalité de ce qu'ils vivent ou pas. Parce que malheureusement, c'est pas la majorité des cas. Il y a justement une interview qui a été faite par Madame Marie Mirand-Guillon, qui interviewait Ibrahim Sissavané, qui est justement spécialisé sur les phénomènes migratoires d'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'il expliquait, lui, c'est que les migrants qui ont réussi justement à leur voyage... On a tendance à exalter un petit peu la réussite de ce voyage. Il y a un petit peu un côté rituel, un côté défi à cette migration clandestine, cette volonté de la réussir, de se surpasser, parce qu'on affronte un petit peu les éléments. Quand on part d'Afrique de l'Ouest subsaharienne, on doit traverser le désert du Sahara, ensuite on doit traverser la mer Méditerranée, avant d'arriver sur les côtes européennes, où là on doit justement passer ces barrages frontaliers, etc., Oui, c'est un petit peu fantasmé. Et on a tendance aussi beaucoup pour les candidats au départ à occulter tous les risques et toutes les difficultés que je viens d'évoquer et qu'on peut rencontrer au cours du voyage. Et d'ailleurs, par rapport à ces risques, est-ce qu'on a une idée du nombre de morts dans ce départ, en fait, pendant la traversée du Sahara, mais aussi arrivée en Libye, parce que la Libye, c'est quand même pas le pays le plus safe du monde en ce moment, la traversée de la Méditerranée, sur laquelle on se concentre beaucoup en Europe, mais qui n'est pas en fait le seul risque et probablement pas le principal. Oui, justement, il y a énormément de risques qui sont pris par ces migrants depuis leur point de départ, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, jusqu'à leur point espéré d'arrivée. Le voyage par la route est très dangereux, on passe par des zones qui sont très instables, notamment toute la zone où peuvent sévir les groupes terroristes et les groupes criminels qui sont combattus par le G5 Sahel, par les différentes organisations de défense qui sont installées dans la bande sahélo-saharienne. On a ensuite la traversée en elle-même du désert, du Sahara, qui est très, très dangereuse en tant que telle, à la fois parce que c'est des routes qui sont très peu entretenues, c'est des zones où les conditions climatiques sont très, très ardues, et ensuite on a différents dangers qui attendent les migrants une fois qu'ils sont arrivés en Libye, puisque la Libye est une zone dans laquelle il y a à nouveau des conflits depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Alors j'ai quelques chiffres justement là-dessus. Entre 2014 et 2018, donc les naufrages d'embarcations de migrants en Méditerranée dont tu parlais tout à l'heure, on sait que ça a entraîné la mort ou la disparition, donc entre 2014 et 2018, de plus de 17 000 personnes. Entre 2013 et 2018, pratiquement sur la même période, simplement sur les routes migratoires, par la voie terrestre, notamment dans le désert du Sahara, on a eu plus de 7 700 morts, au moins. Je dis au moins parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, d'aller mener l'enquête dans ces régions-là, parce que les agissements des groupes qui peuvent attaquer parfois les convois de migrants pour les rançonner, ils sont très peu, enfin ils sont absolument pas encadrés, donc on n'a aucune idée réelle des chiffres, mais on peut, en cumulant ces deux chiffres, on arrive à 25 000, 30 000 personnes, au moins, qui sont mortes entre leur point de départ et la zone type d'arrivée des routes migratoires en Afrique de l'Ouest. Et on a une idée de ce que ça donne proportionnellement au nombre de personnes qui sont parties, en fait ? Proportionnellement, ce serait assez difficile de faire un calcul précis, parce qu'il y a plusieurs points d'arrivée des migrants, il y a plusieurs routes, mais il y a des risques qui sont non négligeables. Je dirais que il y a au moins 5 à 10% de personnes qui meurent sur les routes migratoires chaque année. De la même façon, est-ce que on a des chiffres par rapport au nombre de retours, en fait, au nombre de personnes qui sont, une fois arrivées en Europe, on sait que c'est des illégaux et qui sont retournés? Alors justement, par rapport au retour des migrants, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, qui est chargé d'accorder le droit d'asile ou non aux demandeurs, pourrait donner des chiffres plus précis que ce que je serai en mesure d'annoncer. Ce que je relèverais quand même, c'est que, en général, lorsqu'une demande est faite par un migrant qui souhaite pouvoir rester légalement sur le territoire français, même si finalement la réponse est négative, souvent cette personne-là, et c'est un reproche qui est souvent fait par les populistes, cette personne-là ne sera pas expulsée. Donc il faudra justement avoir à la fois les chiffres des personnes qui sont effectivement renvoyées dans leur pays d'origine, quand on arrive à prouver, à retrouver leur pays d'origine, parce que ce n'est pas forcément des gens qui vont avoir des documents d'identité sur eux, ou dont on va être en mesure de vérifier la citoyenneté, et les personnes qui sont refusées, refoulées sur le territoire, mais qui restent clandestinement. Ce sera intéressant de voir à l'échelle de l'Union européenne, justement, dans quelle mesure est-ce que ces migrants clandestins sont parvenus ou non à s'intégrer au sein des sociétés dans lesquelles ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont ou non réussi à obtenir un statut légal sur le territoire où ils se sont installés, est-ce qu'économiquement, c'est un pari, même si le mot est un petit peu osé, est-ce que c'est un pari réussi ou non. En tout cas, on sait que le parcours en lui-même, il est très difficile, puisque justement, pour en revenir à la politique, à la réponse gouvernementale qui a été émise par le gouvernement ivoirien depuis 2017, qui a été de mettre en place une politique de retour volontaire des migrants vers la Côte d'Ivoire. Bon, si on regarde les chiffres, ce programme, spécifiquement pour la Libye, il a permis, sur l'année 2017, de faire revenir un peu plus de 1200 personnes. Et comment est-ce qu'il fonctionne ce programme? Et pourquoi est-ce que les personnes qui avaient décidé de quitter le pays, même illégalement, donc ça veut dire qu'elles voulaient vraiment le quitter, pourquoi est-ce qu'elles rentrent? Alors, principalement, dans 60 à 70% des cas, puisque des sondages, des enquêtes ont été menées auprès des personnes qui revenaient, l'insécurité, c'est le motif principal de retour. C'est-à-dire qu'en fait, sur leur parcours migratoire, parce qu'en fait, c'est des gens qui rentrent parce qu'ils se sont retrouvés à un moment ou à un autre bloqués dans leur voyage migratoire. Très souvent en Libye, ces gens sont bloqués dans des centres de détention de migrants, et on sait à quel point c'est dangereux. Début juillet, il y a moins de 2 semaines, il y a un camp de détention de migrants à Tripoli qui a été bombardé a priori par les forces du maréchal Haftar. Et ben, j'en reviens justement à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la Libye, c'était une zone qui était particulièrement instable maintenant que le conflit a repris entre le Conseil national, qui est reconnu par la communauté internationale, et de l'autre côté, le maréchal Haftar et ses forces coalisées. C'est une difficulté de plus sur la route des migrants. Et pourquoi passer par la Libye, du coup? Est-ce que c'est parce que la déstabilisation dans le pays permet plus facilement de faire passer des réfugiés immigrés? Ou est-ce que c'est parce que, par manque de choix, parce que s'ils passaient par d'autres pays un petit peu plus stables, qui sont aussi à la frontière de la Méditerranée, est-ce que ce serait pas plus facile? Bah, comme tu l'as dit, hein, oui, effectivement, il y avait moins de contrôle qui était exercé par les autorités légales au large des côtes libyennes et même au sein de la Libye, puisque c'est principalement des groupes armés qui contrôlent certaines régions. Mais c'est pas le seul point de sortie de migrants africains vers l'Europe. La Libye, ça l'a longtemps été. Jusqu'en 2017, c'était la première voie de sortie. Maintenant, depuis 2018, c'est le Maroc qui est la première porte de sortie, la première plateforme de transit des migrants. Le royaume du Maroc est passé devant la Libye en termes de nombre de migrants clandestins qui sont passés par son territoire pour tenter d'atteindre l'Europe. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils rentrent par d'autres pays que ceux qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire notamment l'Italie et la Grèce, ou est-ce qu'ils font le détour, entre guillemets, quand ils partent de... Par exemple, bah, je reprends encore une fois, je reviens à la Côte d'Ivoire, ils vont passer par l'extrême Afrique de l'Ouest, ils vont remonter par la Mauritanie pour arriver au Maroc, et en fait, ils peuvent même... En fait, ils voyagent légalement au sein du continent africain, parce qu'un Ivoirien qui voudrait se rendre au Maroc peut le faire sans visa. Donc, il y a même dans 35% des cas, à peu près, les gens vont prendre l'avion pour partir depuis Abidjan jusqu'à Casablanca, et ensuite ils vont essayer de rallier Tanger, de rallier des villes qui sont en bord de mer pour atteindre les côtes espagnoles. D'accord. Donc les douanes espagnoles et les contrôles de frontières au Royaume d'Espagne sont maintenant plus sollicités que les douaniers italiens. D'accord. Et par rapport au Royaume du Maroc, est-ce que cette augmentation de la migration illégale à l'intérieur du Royaume a accentué la déstabilisation interne du pays? Est-ce qu'on peut relier ça? Parce que le Maroc, qui reste un des pays relativement stables de la région, est quand même si on en parle peu, pas dans une situation extrêmement enviée. Est-ce que la migration accentue ces problèmes politiques au sein du Maroc ou... C'était justement un des sujets qui a été abordé au congrès de la Youn il y a une dizaine de jours. Et le Maroc a une politique migratoire qui est très intéressante et qui est, je trouve, assez efficace. D'une part, ils ont un système d'intégration des migrants, de régularisation des migrants sur leur territoire qui est assez développé. Là, il y a quelques temps, il y a plus de 50 000 migrants clandestins qui ont été régularisés sur le territoire marocain. Il y a des communautés d'Afrique subsaharienne qui sont implantées au Maroc et qui s'intègrent plutôt bien. parce que le Maroc, à côté de ça, non seulement coopère avec l'Union européenne dans différents domaines et dans le domaine de la gestion migratoire, notamment à travers le Euromed 4, qui est un plan de coopération qui concerne tous les États, pratiquement tous les États riverains de la Méditerranée, et dans lequel le Maroc joue un rôle, c'est un petit peu le gendarme migratoire de la Méditerranée, en tout cas pour ceux qui proviennent d'Afrique. Et d'un autre côté, le Royaume du Maroc a développé aussi beaucoup de partenariats avec l'Afrique subsaharienne, donc dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine universitaire. Et on a beaucoup de personnes en provenance d'Afrique subsaharienne, donc encore une fois, Côte d'Ivoire, Guinée, alors principalement des États francophones, vers le Maroc. Des gens qui vont aller, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui vont faire leur licence à Conakry ou même en Afrique centrale, à Libreville, Brazzaville, etc. et qui vont aller faire leur master à l'université de Rabat et qui vont parfois même s'installer sur place ensuite parce qu'ils ont des perspectives professionnelles qui sont intéressantes. Et il y a aussi une cohabitation religieuse qui a lieu. Par exemple, des migrants sénégalais qui voudraient s'installer au Maroc partageraient des valeurs culturelles et religieuses communes, puisqu'ils ont l'islam comme religion commune. Maintenant, même des États dans lesquels la religion est plus diverse, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, on a à peu près pratiquement autant de musulmans que de chrétiens, y a des communautés chrétiennes de la diaspora ivoirienne qui se développent au Maroc sans trop de difficultés. Et tu parlais des politiques du Maroc en ce qui concerne l'immigration illégale. Je sais que ça va être une question très vaste et que tu ne vas pas pouvoir répondre totalement, mais j'ai hâte. Par rapport à la politique européenne en matière d'immigration, Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème, ou alors il n'y a pas tant de problèmes que ça, et on en fait des montagnes dans les discours pour finalement quelque chose qui n'est pas. Qu'est-ce qui se passe et quelle est la différence avec le Maroc, par exemple? Globalement, le Maroc a une politique migratoire qui est beaucoup plus accueillante et solidaire que l'Union européenne. C'est un petit peu agressif de dire ça vis-à-vis des États européens, mais c'est un fait. Proportionnellement, j'ai pas les chiffres en tête, mais le Maroc accueille bien plus de migrants que n'importe quel État de l'Union européenne. Alors certes, c'est un pays qui fait partie de l'Afrique, mais ils pourraient très bien fermer un petit peu leurs frontières. Seulement, ils ont des politiques d'intégration régionale, ils ont des politiques de coopération économique, sociale, et ça fonctionne mieux aussi au niveau, enfin en tout cas pour l'instant, au niveau de la population. Alors tout n'est pas rose, il y a aussi des tensions qui peuvent exister entre groupes, il y a aussi des actes de racisme, d'intolérance religieuse ou culturelle qui sont constatés, mais j'ai envie de dire, pas plus qu'en France, c'est pas plus que dans d'autres États européens. Donc c'est avant tout la mentalité politique et la volonté politique qui est différente, je pense. Qu'est-ce qui explique aussi cet accueil aussi facile, entre guillemets, et cette intégration qui semble plus facile qu'en Europe? Le fait que le Maroc soit déjà un État physiquement africain, avec des frontières communes avec des États à la fois d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, c'est un État qui est membre de l'Union africaine, c'est un État dans lequel les personnes en provenance d'autres États africains n'ont pas besoin de visa pour venir s'installer, ou en tout cas pour venir temporairement. Maintenant, c'est vrai que la situation économique du Maroc est pas forcément plus attrayante que celle de certains États européens, mais c'est un État dans lequel finalement, en tout cas par exemple pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leur cursus, c'est un État qui va être plus accueillant. Je saurais pas véritablement répondre à cette question. J'avoue que. Et pour les États de départ? Les États, donc tu disais que la Côte d'Ivoire finalement était plus un pays d'immigration que d'émigration, mais j'imagine que d'autres pays frontaliers sont plus des pays d'immigration. Comment est-ce que ces États, ou est-ce que ces États mettent en place des politiques pour retenir leur population? Pas forcément que les cerveaux dont on parlait, mais aussi la population qui n'est pas forcément très diplômée. C'est justement là-dessus qu'il faut effectivement, à mon avis, travailler. Pour les gouvernements, gouvernement de Côte d'Ivoire, gouvernement du Ghana, gouvernement du Nigeria, Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les migrants, clandestins ou non, ils vont chercher des opportunités économiques. Donc, ça implique que si ces États souhaitent conserver leurs citoyens sur leur territoire, il faut qu'ils leur offrent des perspectives économiques. Et je crois que c'est un petit peu chaque État dans le monde cherche à développer un petit peu son économie pour que sa population, enfin en tout cas un bon gouvernement, va plutôt chercher à ce que son peuple s'épanouisse et ait des perspectives économiques. Maintenant, si quelqu'un trouve la recette demain qui permet à n'importe quel État d'Afrique subsaharienne de se développer suffisamment pour que sa population soit économiquement et socialement satisfaite, je pense qu'il a intérêt à se manifester rapidement parce que ça va intéresser du monde. Mais d'ailleurs, j'ai vu que c'est une des volontés. C'est difficile à dire puisqu'il n'y a pas encore réellement, comme on en parlait un peu plus tôt avec Océane, de volonté commune dans l'Union européenne, notamment par rapport à la politique étrangère et à l'aide au développement. Mais je sais que c'est un des objectifs de l'Union européenne, ce serait d'essayer de focaliser les États sur l'aide aux pays, à plusieurs pays d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique, justement d'aide au développement, pour que les pays puissent justement développer davantage leur économie et plus vite, pour pouvoir offrir aux personnes des conditions qui leur donnent envie de rester plutôt qu'ils leur donnent envie de partir. Et... Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Au niveau de l'Union européenne, la volonté d'aider les États d'Afrique subsaharienne et d'une manière générale les États en développement, alors ce qu'on a appelé les États du tiers-monde, ensuite les États en développement, ensuite les États émergents, il y a plein de catégories différentes, mais... Ça concerne toujours plus ou moins les mêmes pays. Voilà, cette volonté d'aider les États, donc je vais me focaliser sur l'Afrique subsaharienne, elle existe et elle est en place depuis assez longtemps. Les APE, les accords de partenariat économique mis en place par l'Union européenne vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique centrale, ça a été les accords de Yaoundé, ensuite les accords de Cotonou, ensuite... Non, c'est tout. Et c'est vrai que ces accords, en fait, ils ont permis déjà de faire transiter des millions de francs, puis des millions d'euros vers l'Afrique. Maintenant, le problème réside dans le suivi des programmes qui sont mis en place, dans la lutte contre la corruption, dans le calcul et l'analyse de l'efficience des programmes qui sont soutenus et qui sont mis en place. Il y a des progrès qui sont faits, mais peut-être que l'Union européenne gagnerait à surveiller un petit peu plus où vont les dépenses. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire du lobbying ? Il y a deux choses. D'une part, c'est un petit peu une manière de faire du lobbying et de faire plaisir à certains chefs d'État, pas toujours très démocratiques, qu'on trouve dans plusieurs États d'Afrique centrale tout particulièrement, qui est un très bon, une manière de dire, vivier de régimes totalitaires. Hein. Je pense par exemple au Cameroun, au Congo ou au Gabon, on a un tiercé gagnant, sans oublier les Guinées équatoriales pas très loin, où là, effectivement, il y a une certaine opacité des dépenses, ou en tout cas de ce qui est fait de cette aide européenne. Et d'un autre côté... Si l'Union européenne envoyait des agents sur le terrain pour contrôler de manière un peu drastique, on pourrait légitimement les accuser d'ingérence. Et donc la corruption, c'est un vrai problème dans les programmes d'aide au développement ou d'aide humanitaire. Est-ce que c'est aussi une des causes de départ ? Oui, c'est ce que ça rejoint en fait un petit peu cette instabilité politique et ce manque de perspective économique, c'est que il y a une économie parallèle, il y a énormément de dépenses qui sont absolument pas justifiées, il y a des véritables empires financiers qui sont bâtis par les dirigeants, par ceux qui sont par la classe politique, la classe au pouvoir, et c'est un problème qui est endémique malheureusement. Donc oui, il y a un ras-le-bol qui fait que si je ne peux pas changer mon pays, je change de pays. Et donc, pour revenir un peu à notre sujet de base, quelles sont les perspectives pour l'émigration en Afrique de l'Ouest ? Une question un peu globale, mais vers quoi se dirige-t-on en fait ? C'est une question qui conclut très bien, je trouve, cette émission. D'un point de vue sécuritaire, ce sera toujours compliqué d'anticiper ce qui va se passer et ce qui peut pousser des gens à quitter leur foyer en urgence pour se diriger vers un autre État, vers un autre continent. Donc là-dessus, il y aura toujours une part d'incertitude. Maintenant, toutes ces migrations économiques, bon, moi j'ai un côté très utopiste, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une évolution démographique importante en Afrique, dans les 30 ans à venir, on aura pratiquement un doublement de la population. Beaucoup de gens qualifient ce phénomène de bombe démographique, ce que je trouve un petit peu péjoratif. La Chine a connu le même boom démographique il y a quelques années, alors pas trop mal réussi économiquement a priori. L'Afrique détient énormément de ressources minières, ressources pétrolières, etc. On le sait, on l'évoque suffisamment. Population importante, donc main-d'œuvre qui sera potentiellement assez qualifiée, importante. Beaucoup de ressources. Une unification, une intégration régionale qui se fait progressivement avec l'entrée en vigueur de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, pour laquelle la plus grosse puissance économique du continent, le Nigeria, vient d'accepter d'intégrer la ZLEC. Je pense qu'on se dirige vers une baisse progressive des migrations à volonté économique, avec une meilleure intégration et de meilleures perspectives économiques, notamment si on regarde tous les investissements qui sont faits et qui sont en constante augmentation en provenance de l'Europe vers l'Afrique, en provenance de la Chine vers l'Afrique, à travers le Belt and Road Project, donc le Belt and Road Initiative, pardon, les nouvelles routes de la soie. Je pense que l'Afrique, en général, va se développer, alors de manière plutôt inégalitaire, selon la situation politique des États et la situation sécuritaire. Mais globalement, à mon avis, on aura une baisse, en tout cas, de ce type de migration dans les 20-30 ans à venir. En tout cas, je l'espère. Le temps de l'Afrique, à mon avis, est en approche. Bon, bah alors, c'est sur cette note très positive que nous concluons ce 9e épisode de Léviathan. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté de venir ce mois-ci. Et on espère pouvoir t'accueillir une prochaine fois depuis le Canada. Et pour rappel, chers auditeurs, nous ne sortirons pas de nouvel épisode le mois prochain, en août, nous partons en vacances. Nous nous reverrons donc en septembre avec de nouveaux projets pour vous.